Paris est mort, changement d'époque. J'ai reconstruit un peu plus loin la capitale sans faire de bruit, un peu plus grande en plus petite, ses atmosphères et ses ruelles sont bien plus belles. Paris est mort, un musée vide de toutes ses vies, un musée plein mais plein de morts, c'est très vilain et trop lointain. Paris est mort. J'ai reconstruit la capitale un peu plus près de son odeur, un peu plus loin de sa pâleur. J'ai fait venir des amoureux, mais pas en rang et pas honteux. Dans mon Paris, il y a Brassens, il y a les Bouchers de la Villette, il y a Doineau qui déambule et qui salue l'ami Prévert. Dans la ruelle Saint-Émilion, il y a les transporteurs de vin, il y a Fringante sur le pavé, la jument grise de mon ancêtre qui trotte sans désespérer de Doménil jusqu'à Bercy. Paris est mort. La ville lumière est bien trop fière, a voulu remplacer le jour, mais c'est électrocuté et c'est bien fait. Dans mon Paris, il y a les halles et les pendus du Grand Canal, il y a Coude et au comptoir, le grand Sandrard et ses copains, il y a aussi les écourtés d'un certain Monsieur Guillotin, et Modigliani, les artistes et leurs peines, un soir de grande folie se jetant dans la Seine. Paris est mort. Et j'ai porté d'immenses son deuil, je l'ai porté bien des années, je l'ai porté la tête aux pieds, mais ça me gênait pour avancer. Un beau matin, je remariais une nouvelle belle comme les écueils, et j'ai laissé triste mon veuvage dans un paysage dévasté. Paris est mort, je suis vivant. Paris est mort, je suis vivant. Paris est mort, je suis vivant. Paris est mort, je suis vivant.